Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 12. Et tu diras en ce jour-là, je vous glorifierai, Seigneur, parce que vous avez été irrité contre moi, mais votre fureur s'est tournée, et vous m'avez consolé. Voilà que Dieu est mon sauveur. J'agirai avec confiance, et je ne craindrai pas, parce que ma force et ma louange, c'est le Seigneur, et qu'il est devenu mon salut. Vous puiserez avec joie des eaux des fontaines du Sauveur, et vous direz en ce jour-là, glorifiez le Seigneur et invoquez son nom. Faites connaître parmi les nations ses œuvres, souvenez-vous que sublime est son nom. Chantez le Seigneur, il a agi avec magnificence. Annoncez cela dans toute la terre. Exulte et loue, habitation de Sion, parce que grand est au milieu de toi le Saint d'Israël. De la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.